pris sur le vif. Écoutez. Alors, combien as-tu eu à l'interro de maths? 10. Tu ne t'es pas foulé. Tu aurais pu faire mieux. Tu n'es jamais content. Tout le monde a eu une mauvaise note. Ce n'est pas une excuse. Répétez. Alors, combien as-tu eu à l'interro de maths? 10. Tu ne t'es pas foulé. Tu aurais pu faire mieux. Tu n'es jamais content. Tout le monde a eu une mauvaise note. Ce n'est pas une excuse. Écoutez. Pourquoi as-tu dit à Marie que nous allions faire du ski ensemble le dimanche? Mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Ce n'est pas un secret d'État. Je ne peux pas la supporter, cette nana. Elle me casse les pieds. Vu que tu le savais, tu es impardonnable. Tu ne vas pas en faire un plat. Répétez. Pourquoi as-tu dit à Marie que nous allions faire du ski ensemble le dimanche? Mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Ce n'est pas un secret d'État. Je ne peux pas la supporter, cette nana. Elle me casse les pieds. Vu que tu le savais, tu es impardonnable. Tu ne vas pas en faire un plat. Écoutez. Mais je ne vous comprends pas. Pourquoi avez-vous pris cette commande? Comme nous avions besoin de nouveaux clients, j'ai pensé que c'était une occasion à saisir. Oui, mais vous savez bien que c'était un client avec qui nous avons eu des difficultés. Non, je ne le savais pas. Tant pis. Ce n'est pas dramatique. Il n'y a peut-être pas lieu de donner trop d'importance à cette affaire. Répétez. Mais je ne vous comprends pas. Pourquoi avez-vous pris cette commande? Comme nous avions besoin de nouveaux clients, j'ai pensé que c'était une occasion à saisir. Oui, mais vous savez bien que c'était un client avec qui nous avons eu des difficultés. Non, je ne le savais pas. Tant pis, ce n'est pas dramatique. Il n'y a peut-être pas lieu de donner trop d'importance à cette affaire.